Bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle, Le dressage d'un lieutenant. C'est une nouvelle écrite par John Reill, qui est un écrivain danois né en 1931 à Odense. Quand il a 21 ans, il s'engage dans une expédition scientifique dans le nord, au Groenland, où il passera 16 années. Donc, je vais vous lire le racontard qu'il nous a fait. Je vais commencer. Le dressage d'un lieutenant, ou comment s'y prendre pour ramener un lieutenant à une vision plus normale des choses. Les chasseurs de la côte du nord-est du Groenland étaient rassemblés à Cap Thompson lors de l'arrivée du bateau annuel, la Vesle-Marie. Avec le bateau arrivait un nouveau chasseur, un certain lieutenant Hansen, qui allait se révéler un digne remplaçant de Monsieur Johansson, le tatoueur. Ce dernier avait décidé de retourner au monde civilisé après avoir laissé sur la peau des chasseurs, blanche comme de la farine, de saisissantes décorations. Le lieutenant Hansen était un petit homme de belle prestance, avec de fines moustaches dressées et raidies à la gomina, la voix tranchante comme un rasoir, de petits pistolets noirs en guise d'yeux. Il arborait culottes et bottes de cheval. Le lieutenant Hansen avait fait partie des dragons du Jutland, étudié l'art de la guerre à Fredericia et était issu d'une bonne famille. Mads Madsen confia à ses nombreux amis qu'il craignait le pire. Dès sa première journée à Cap Thompson, le lieutenant Hansen montra qu'il débordait d'idées grandioses. Avant que le soleil ne soit à l'ouest, il avait organisé une réunion en plein air, devant la maison, en un endroit qu'il ne devait pas tarder à baptiser le Champ de Mars. C'est là qu'il exposa son royal projet aux chasseurs éberlués. « Je suis nouveau dans le pays polaire », commença-t-il par dire. « J'ignore tout du terrain et du climat. » Les chasseurs acquiescèrent, trouvant le propos raisonnable et modeste. Le lieutenant continua. « C'est cependant sans importance, parce que j'ai deux puissantes relations sur lesquelles je puis compter. » Il haussa sa voix pointue et métallique. « Nous allons constituer une... unité. Nous serons comme un point d'acier qui frappe impitoyablement. Qui va-t-on frapper ? Demanda Björken, soudain intéressé. L'ennemi, asséna le lieutenant. La compagnie de chasse m'a autorisé à créer une milice dans cette zone, en accord naturellement et en partie en coopération avec les autorités militaires de la métropole. « Diable !» dit Walfred, secouant la tête avec inquiétude. « Il y a encore la guerre là-bas, en bas ?»« Pas encore, mais la guerre arrive, » prophétisa le lieutenant Hansen. « La guerre est toujours à la porte. Si elle arrive ici, elle ne nous prendra pas au dépourvu. C'est pour cela que j'ai tout pouvoir ici pour constituer et entraîner une compagnie. » « Comment comptes-tu t'y prendre, Hansen ?» demanda Herbert. « Lieutenant Hansen, » rectifia le lieutenant. « Eh bien, je vais constituer un noyau de défense à partir du matériel et du personnel qui se trouve sur place. Un noyau invincible qui pourra, rapide comme l'éclair, déferler n'importe où et contre n'importe qui et écraser l'intrus. » « Qui c'est l'intrus ?» demanda la Célil, qui n'avait pas compris grand-chose. « C'est l'ennemi, jeune homme, l'ennemi qui est partout, encore invisible, mais pas moins présent pour cela. J'ai étudié la stratégie et j'en connais un rayon sur le travail sournois de l'ennemi. Nous allons défendre ce pays. » Il se haussa. pour la nation et pour le roi, dit-il solennellement. Et pour les Groenlandais, ajouta Walfred. Björken hochait la tête, songeur. Ouais, ouais, ça sonne assez juste tout ça. Et si tu es venu ici pour ces raisons, je suppose qu'on peut difficilement se débiner. Pourvu que tu ne déranges personne avec ta milice, nous n'avons pour sûr rien contre. Vous serez ce noyau, hurla le lieutenant. Vous seul pouvez défendre cette immense étendue. Ma tâche est de vous entraîner, de faire de vous les troupes d'élite du nord-est du Groenland. Ça prendra beaucoup de temps ? Demanda William Lenoir, pensant avec inquiétude à la chasse aux phoques de l'automne. Ça dépendra de votre volonté et de votre ardeur à apprendre, répondit le lieutenant. Il se trouve qu'il en va ainsi en Arctique. Jamais on ne rejette une idée a priori, primo parce que cette idée pourrait, à y regarder de plus près, se révéler intéressante, secondo parce qu'on y voit toujours l'occasion de longues conversations et de discussions instructives entre chasseurs. Voilà pourquoi l'on ne repoussa pas d'emblée le projet du lieutenant Hansen et qu'on le laissa développer son plan dans les jours qui suivirent, tout en pesant le pour et le contre. Personne n'était vraiment pressé de quitter Cap Thompson. L'été avait encore de beaux jours devant lui et vivre ensemble entre copains apportait encore quelque chose, surtout après l'arrivée du lieutenant Hansen. On laissa le lieutenant donner ses causeries du soir sur la guerre et on se pointait débonnaire pour un peu d'exercice sur le champ de Mars où l'on avait, sous l'autorité pleine d'expérience du lieutenant, appris à jongler avec les vieux 89, à claquer des bottes de fourrure et à se laisser tomber sur le ventre quand il en donnait l'ordre. En fait, ce fut seulement le jour où le lieutenant ordonna la revue du samedi, à laquelle tout le monde devait se présenter propre comme un sou neuf, peigné, les armes astiquées, que l'on trouva que ça commençait à bien faire. Les hommes se demandèrent entre eux comment s'y prendre pour détourner les pensées du lieutenant de la guerre vers la chasse, vers l'ordinaire en quelque sorte. Certes, jouer les troufions avait pu divertir un moment, mais il y avait des limites à ce qu'on pouvait demander à un chasseur adulte. Le lieutenant devait passer l'hiver avec Walfred, qui s'était retrouvé seul après qu'Anton eut déménagé pour aller chez Herbert, et tout le monde s'accordait sur le fait qu'il valait mieux dégourdir Hansen avant de le lâcher sur la cabane de Fimbulle. Un matin, après l'appel, Mad Manson suggéra donc « Écoute, mon lieutenant, maintenant que nous avons appris à manier le fusil, à tomber sur les fesses et tout ça, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'aller un peu sur le terrain ?» Le lieutenant Hansen se promena un moment de long en large devant le rang des soldats. « Très bien, Madsen. L'idée est excellente. Elle aurait très bien pu venir de moi. Demain, nous partons aux manœuvres. » « Si je peux dire quelque chose, avança Björken, je propose un petit tour sur l'Inland 6. C'est de toute évidence par là que déboulera l'ennemi. »« Expliquez-vous, » claqua le lieutenant. « Eh bien oui, personne ne peut arriver de l'Est, n'importe quel idiot peut comprendre ça, puisque la banquise y fait obstacle. Et comme il ne peut venir de l'Est, il doit arriver par l'Ouest, puisque le Nord et le Sud sont exclus pour des raisons géographiques. » « Affirmatif, » concéda le lieutenant Hansen. « Vous faites preuve à la fois de sagacité et de subtilité, Björk, et vous devrez au plus tôt être nommé caporal. » Merci beaucoup, mon lieutenant. Björken porta la main à son bonnet de laine avec un sourire niais. Ils partirent très tôt. Ils. C'étaient les trois de la station Björkenborg, puis Herbert, Walfred, Mats Madsen et son compagnon William Lenoir. Et il y avait Silverts, Lose, Ludwig et le jeune Anton. Et puis naturellement le lieutenant. Les 12 hommes emmenèrent un traîneau avec des provisions tirées par 8 chiens que l'été avait engourdis. Après avoir trotté à travers la vallée des cailloux, ils entamèrent l'ascension sur la glace à la rivière des deux hommes. En cet endroit, la montée était assez aisée. La glace était uniforme et la pente assez douce pour que les chiens puissent tirer tout seuls le traîneau. Le lieutenant Hansen marchait en tête. Avançant à grande enjambée, il s'essouffla rapidement. Avant d'être à mi-côte, il ordonna une halte. « Maintenant, nous allons devoir mener une reconnaissance minutieuse du pays, » dit-il, en portant les jumelles à ses yeux. Les chasseurs s'assirent sur le traîneau et contemplèrent le chef. Les verres des jumelles se couvrirent rapidement de glace à cause de la respiration haletante du lieutenant, qui les garda pourtant devant les yeux avec entêtement. « On pourrait peut-être se bouillir un petit café, » proposa Herbert. Il prit la casserole accrochée au montant du traîneau et la remplit de neige. « Alors je vais faire un somme en attendant, » murmura Walfred, qui se renversa sur le chargement du traîneau. Le lieutenant, qui s'était maintenant convaincu qu'il n'y avait pas de mouvement de troupes ennemies en vue, dit d'une voix rude « Pas de café et pas de repos, les gars, on continue !» Arrivé tout à fait en haut, sur l'Inlandsis même, cette croûte de glace couvrant tout l'intérieur du pays, les chasseurs estimèrent qu'ils étaient assez loin. Sans un mot, tous furent d'accord pour se débarrasser du lieutenant le plus rapidement possible. Mats Madsen rattrapa l'officier et, avec un salut bâclé au capuchon de son anorak, « Si je peux me permettre, monsieur le lieutenant, je propose que le lieutenant se noue une corde autour de la taille. »« Que voulez-vous donc que je fasse avec une corde autour de la taille, mon bon Madsen ?»« Le lieutenant peut voir qu'ici, sur la glace, il y a de vilaines fentes recouvertes par la neige. On peut très facilement tomber dedans, surtout si, comme le lieutenant, on mène l'avant-garde. » « All right !» répondit le lieutenant, soudain accommodant. « Donnez-moi donc une corde, Madsen. » Il n'appréciait guère l'idée de tomber dans une crevasse et de laisser ses hommes sans chef. Deux solides traits de chien furent noués ensemble et un mousqueton attaché à la ceinture du pantalon du lieutenant Hansen. Et ils reprirent leur progression. Madsen avait indiqué le chemin le plus sûr pour se rendre à des Nunataks, qui émergeaient quelques kilomètres plus loin. De ces petites crêtes de rochers nus, on avait la vue libre de tous côtés. Et il était dans l'intention du lieutenant d'y installer des postes d'observation. En moins de 5 minutes, le lieutenant Hansen avait disparu. Tous savaient qu'il allait disparaître. Mais ce fut quand même la surprise quand, tout à coup, on ne le vit plus. Sans un bruit, le pont de neige sous Hansen s'était brisé et avant qu'il ait eu le temps d'émettre le moindre son, il avait disparu. Björken, qui conduisait le traîneau, arrêta les chiens, mais assez lentement pourtant pour que le lieutenant descende de 2 bonnes longueurs de trait dans les profondeurs. Ils l'entendirent hurler des ordres d'en bas et hochèrent la tête d'un air entendu. « Eh bien, je crois qu'il est temps de se la prendre, cette goutte de café, » dit Herbert avec un petit sourire. « Si toutefois le lieutenant n'y voit pas d'inconvénient, » ajouta William Lenoir en rigolant, « mais j'en suis presque sûr. » Si je peux dire ce que je pense vraiment, il n'y a pour l'heure pas de limite à ce que le lieutenant permet, ajouta Wilfred. Et si vous autres n'avez rien contre, je vais m'allonger quelques minutes. Cette marche à pied jusqu'ici était épuisante. Tu as marché pour la nation et pour le roi, rappela Mats Madsen. C'est bien possible. Wilfred se coucha sur le côté et posa ses deux mains sous la joue. C'est bien possible. Et maintenant, je vais dormir pour l'Europe entière et pour tout ce qu'il y reste de roi. Ils s'assirent sur la fourrure du traîneau, tout près de la crevasse, et construisirent un muret de neige pour abriter le réchaud. Ils écoutèrent avec intérêt ce qu'avait à dire le lieutenant et commentèrent des passages particulièrement réussis avec de petits hochements de tête et de larges sourires. Quand l'eau se mit à bouillir, ils ajoutèrent le café et laissèrent le tout bouillir une fois encore. Puis, ils s'installèrent confortablement avec les tasses chaudes entre les mains et commencèrent à bavarder. Ils parlèrent de tout et de rien, de l'année passée, une excellente année somme toute, et des copains qui étaient partis ou bien reposaient maintenant en position horizontale sous un tas de pierres ou dans la mer. Puis vint la nourriture, un sujet qui les occupa plus d'une heure. Bien sûr, ils eurent une pensée pour le comte, qui s'était chargé de la corvée de cuisine et qui, pour cela, avait été dispensé de participer aux manœuvres. Il y eut ensuite un vide dans tout ce bavardage, où ils écoutèrent le lieutenant qui n'était pas encore remonté de son trou et qui jurait pique-pendre. N'a-t-il pas parlé de cour martiale ? Sans qui Herbert étonné. J'ai eu cette impression, rigola Anton. Ça n'a pas quelque chose à voir avec la fusillade et la déportation, ça? Je ne comprends pas pourquoi il ne remonte pas, susurra Sivertz d'un ton bigot. Il se pencha au-dessus de la crevasse et contempla le lieutenant en bas. Dis donc, le maestro, faudrait penser un jour à remonter. On va finir par se prendre des gelures aux fesses s'il faut rester ici plus longtemps. Des sons rauques montèrent des profondeurs. Qu'est-ce qu'il dit ? Demanda Loz. Vous ne pouvez pas lui demander de la fermer, grommela Wilfred du traîneau. Impossible de dormir avec ce boucan. Sivertz retira sa tête. Je ne peux pas répéter ce qu'il dit. « Dit-il, je n'ai tout simplement pas envie d'utiliser ce genre de vocabulaire. J'en viens à penser que le lieutenant manque de courtoisie. » Il regarda Björken. « Tu es sûr qu'il ne peut pas se hisser avec les bras ?»« Tout à fait sûr, répondit Björken. J'ai mouillé la corde, elle est lisse comme une patinoire. » Mats Madsen soupira profondément. Il y a des gens à qui c'est rendre un mauvais service que de céder à leurs quatre volontés, dit-il doucement. C'est parfois dur de faire l'éducation de ce genre d'individus. En plus, on pourrait aussi bien mettre les bouts. Ce qu'il a à dire n'est pas particulièrement édifiant. Ils rangèrent tasses et fourrures, fichèrent solidement un piquet de fer dans la glace et y attachèrent la laisse du lieutenant Hansen. Et puis, ils descendirent la croûte de glace tout en se livrant à des pronostics sur le temps pendant lequel le lieutenant s'accrocherait encore à ses prérogatives d'officier. Wilfred dormit profondément pendant toute la descente et ne se réveilla qu'à l'odeur du repas que le comte avait enfin fini de mitonner. « Vous ne croyez pas qu'il a froid là-haut ? Demanda Laslil inquiet. Ils étaient assis devant la maison et se réjouissaient de la nuit tranquille. La mer bougeait lourdement sous une houle mate et lisse comme de la glycérine. Au loin, des icebergs dérivaient lentement vers le sud. L'eau tombait goutte à goutte des blocs de glace échoués sur le rivage. Et dans la petite baie derrière la maison, quelques hirondelles de mer criaient après un goéland qui leur avait chapardé un poisson. « Vous ne croyez pas qu'il a froid ?» répéta Laslil. Les hommes le regardèrent avec paresse. Mad Madsen fit un effort et répondit. « Si, je suppose que si. Est-ce qu'il pourrait mourir de froid ?» demanda Laslil. Il était jeune et avait du mal à se contenter du silence merveilleux de la nuit. Mad Madsen se renversa dans la bruyère et son regard se perdit dans l'immensité bleue du ciel. « Je suppose que oui, » répondit-il. Björken tourna son visage vers le soleil et s'imprégna de chaleur. « Je ne crois pas qu'un homme enragé puisse mourir de froid. Quand on est vraiment en colère, on dégage, comme qui dirait, des vapeurs de chaleur. Être vraiment furieux est aussi efficace que d'avoir dans le dos un dragon qui vous lance des flammes. Ça, je peux vous le dire. » Il faisait là une subtile allusion à l'ornementation fantastique qu'il portait lui-même sur les plates-côtes. Valfred, qui avait dormi profondément pendant des heures et des heures, se leva sur le coude. « Au diable vos bavardages » grogna-t-il. « On se croirait au milieu d'un régiment de bonnes femmes. De quoi parlez-vous ? » ?»« Du lieutenant, » répondit Laslil. « Ah oui, du lieutenant !» Valfred eut un sourire narquois. Ça ferait un compagnon très bien et fichtre. Heureusement que nous l'avons expédié dans le trou. Sinon, nous autres, en surface, on n'en aurait probablement jamais fini d'être en manœuvre. Il gloussa d'aise comme un homme provisoirement reposé. J'ai connu autrefois un phénomène de cet acabit, dit-il, qui avait lui aussi des idées bizarres. Il avait passé des années en tôle à la célèbre prison d'État d'Orsans, et ça, il n'arrivait pas à l'oublier. Chaque matin, il continuait à faire la promenade autour de la cabane. Il marchait en rond, avec les mains dans le dos, en calculant à voix basse le nombre de tours qu'il liquidait. Après 120 tours, il était prêt pour le petit déjeuner. Drôle de type. Laslil se pencha avec intérêt. « Qu'est-ce qu'il est devenu depuis, Valfred ?»« Ah, ça, c'est une bonne question. » Valfred gratta son nez rugueux, regarda au fond des yeux bleus et innocents du jeune homme. « Il me semble bien l'avoir tué, » dit-il calmement. « Tué ?» Laslil regarda le vieux chasseur avec terreur. « Pourquoi ça, Valfred ?»« Parce que, tu vois, il avait apporté un fauneau, cette andouille. Et ça, il n'aurait jamais dû. C'était une de ces caisses noires avec poignée et tout le bastringue. Et quand il était remonté, il jouait, ma foi, assez joliment. Le problème, c'était qu'il n'avait apporté qu'un disque. Il avait passé tant de temps en tôle qu'on en avait presque fait un homme distingué. En tout cas, il était foot classique, comme il appelait ça. Et le disque était un cantique de pèlerin ou quelque chose dans ce genre. Bon, moi, j'ai jamais rien eu contre les pèlerins. Pour moi, ils peuvent marcher et chanter tant qu'ils veulent, pourvu que je ne sois pas obligée de les écouter. Mais ce n'était pas possible. Le disque tournait du matin au soir et même des fois la nuit. Et quand j'avais entendu ces pèlerins chanter la même chanson quelques milliers de fois, j'en avais assez. Dès qu'ils mettaient le disque, je me réveillais. Et ça, ça rend nerveux. Alors un jour, j'ai pris le disque, je suis sortie de la maison, je l'ai planté dans la neige, j'ai reculé de 20 pas et j'ai descendu cette calamité d'une décharge de chevrotine. Quelle histoire ! Mais ça ne pouvait pas tuer le collègue, avança Laslil. C'est le disque que tu as descendu, Valfred. Oui, oui, je parlais comme qui dirait au figuré, dit Valfred. Mais quand j'ai eu descendu le disque, le collègue, lui aussi, était déjà pratiquement mort. Ce disque, c'était comme les promenades dans la cour. Il ne pouvait pas vivre sans. Il s'est tué d'un coup de fusil ? Non, il s'est pendu. Il a décroché le gigot de renne que nous avions toujours suspendu au plafond et il s'est pendu à la place. quand je suis rentrée de la tournée des pièges et que j'ai voulu m'en couper une bonne tranche en guise de 4 heures, j'ai failli trancher une des fesses de monsieur le gibier de potence. Quelle histoire, Laslil ! On doit toujours être prudent quand on fréquente des gens qui ont des idées. C'est comme le lieutenant là-bas, en haut. En fait, je n'aime pas l'idée qu'il reste suspendu comme ça à se balancer autour de sa ceinture, dit Laslil. Le lieutenant non plus, certainement, ricana Herbert. Walfred secoua la tête et pensa avec un peu d'inquiétude que c'était lui qui aurait Hansen sur le dos pendant tout l'hiver. J'espère qu'on arrivera à le dégourdir un peu avant la fin de la saison, soupira-t-il. Les hommes hochèrent la tête. Ils comprirent le soupir de Walfred, parce que ce n'était pas drôle d'avoir à envisager un long hiver en compagnie d'un militaire à moitié fou. Le comte les empêcha d'approfondir le sujet en sortant la tête par le battant supérieur de la porte et en annonçant « Messieurs, un petit rafraîchissement de minuit sera servi dans quelques instants. » Walfred plaqua sur le champ ses méditations mélancoliques et se leva avec une rapidité surprenante. « De quoi s'agit-il, comte ?» Les yeux du comte brillaient de fierté quand il répondit. « 2 bouteilles de vin à l'étiquette de Château Lafitte et des petits gâteaux sucrés que je viens d'inventer et de baptiser « Cœur de lieutenant ». Il était tard dans la matinée quand les hommes gravirent à nouveau la croûte de glace. Ils étaient de bonne humeur et se réjouissaient à l'idée de voir de quelle manière le temps et la crevasse avaient travaillé le lieutenant. Walfred, qui devait donc hiverner avec l'individu en question, fut le premier à glisser la tête dans la crevasse et à crier dans les profondeurs. « Hé, là-dedans, il y a quelqu'un ?» Quelques reniflements étouffés, puis une voix cotonneuse répondit « Aidez-moi à sortir !»« C'est Hansen ?» s'assura Walfred. « Oui, aidez-moi à sortir !» Le timbre métallique avait changé dans la voix de Hansen, qui semblait maintenant un peu rouillée. « Chasseur Hansen ?» demanda Walfred, pour être complètement sûr. « Oui, et que fait le chasseur Hansen dans une crevasse de glacier ?» s'étonna Walfred. « Je suis tombé dedans !» La réponse était faiblarde. « Est-ce qu'on peut défendre la nation et le roi et les Groenlais à partir de là, Hansen ?»« Non !» Le chasseur Hansen avait encore un peu de colère dans le corps, qu'il essayait de réprimer, mais c'était apparemment trop dur au-dessus de ses forces. « Aidez-moi à sortir, nom de Dieu » explosa-t-il. Walfred continua sans s'en laisser compter. Pour se résumer, on ferait peut-être mieux de laisser tomber toute cette histoire de défense, mon petit Hansen, et de nous consacrer à des occupations plus utiles et plus ordinaires, n'est-ce pas ? Mon projet est autorisé par la direction, dit Hansen avec rage. Aidez-moi à sortir, c'est un ordre. Oula, c'est mauvais tout ça. Walfred retira la tête. « Je pense qu'il lui faut encore un peu de temps, » dit-il à ses amis. « Je ne pense pas qu'il soit encore tout à fait mûr. C'est comme un gigot de mouton fumé. Plus on le laisse reposer, meilleur c'est. » Mads Madsen était d'accord avec Walfred. « Chaque chose en son temps, » dit-il. « Laissons à Hansen tout ce dont il a besoin. Nous ne sommes pas pressés. » Il se tourna vers Herbert. « Si on prenait un peu de café, Herbert, avec tous ces cœurs de lieutenant, j'ai la bouche un peu pâteuse. » Ils firent bouillir du café et l'allongèrent d'un délicieux schnapps. C'était un schnapps au goût fort et rond que Björken avait apporté et qui avait été distillé selon un processus long et compliqué que seuls Björkön et Muso connaissaient. Une heure passa encore, pendant laquelle ils accordèrent au lieutenant le loisir de réfléchir. Après le café, affalés, ils laissèrent le schnapps leur réchauffer le sang dans tout le corps et prirent plaisir au magnifique spectacle. La glace étincelait et flamboyait dans la lumière du soleil. La grande coulée de glace par laquelle ils étaient montés mouillait comme un long cou de langue la vallée couverte d'herbe. Ils voyaient les sommets des montagnes de la côte pointues comme des alènes et la mer qui était verte et ressemblait plutôt à une prairie de printemps. Valfred s'était endormi et n'entendit pas quand la voix dans les profondeurs gémit. « Je cède, Valfred, je cède !» Les autres chasseurs réveillèrent Valfred. C'était lui qui allait passer l'hiver avec Hansen. C'était donc à lui qu'il revenait de mener les négociations. Valfred quitta le traîneau, se coucha près de la crevasse. « Tu as dit quelque chose, Hansen ?»« Je cède !» répéta le chasseur Hansen. « Qu'est-ce que tu cèdes ?» Valfred mit la main derrière l'oreille et écouta attentivement. « Je renonce à la défense !» souffla Hansen. « Je mets un terme à mes activités. »« Tu deviendras donc une personne ordinaire, comme nous autres ?» demanda Valfred. « Tout ce qu'il y a de plus ordinaire !» promit Hansen. « Tu veux sortir ?»« Oui, merci Alfred. » C'est un chasseur, Hansen, congelé, qu'ils hissèrent à la lumière et à qui ils donnèrent un énorme schnapps pour l'aider à se réchauffer. Hansen montrait une certaine sagesse dans les yeux qui roulaient ça et là sans se poser sur rien de précis. Et il y avait quelque chose comme une douce résignation dans ce regard-là. Il avait dû perdre ses anciens yeux pistolets dans la crevasse. Au deuxième schnapps, il commença à décongeler. Mads Madsen lui massa les membres de ses gros poings et Björkön et Muso lui cognèrent violemment sur le dos et dans le ventre. Lodvik, qui avait un cœur d'or, lui frotta le visage avec un fond de schnapps, preuve évidente qu'on lui voulait le plus grand bien. « Alors, chasseur Hansen, voyons si cette cure a été efficace. Je crois que tu es comme neuf dedans, comme dehors. » Hansen hocha la tête. Il était à peine capable de penser. Il était mort de fatigue d'avoir été suspendu par la ceinture et n'avait plus qu'un désir, se coucher sur le traîneau et dormir. Mais Valfred occupait déjà la place. On y va, décida Björkön. Il prit Hansen par l'épaule et l'aida à se lever. Voilà, compagnon, c'est dur d'être chasseur, tu peux me croire. Et, à moitié endormi, bras ballants et moustaches tombantes, traînant les pieds, le chasseur Hansen redescendit de l'Anansis avec ses compagnons. Eh bien, voilà. C'est le sort que nous réserve le Groenland si on tombe dans une crevasse. Oh là là. Bon, j'espère qu'on sera attachés aussi. En attendant, je n'ai pas osé vous chercher une chanson de pèlerin. Je me suis dit que ça n'allait pas du tout. Alors j'ai pris Nanouk, une musique du Groenland. Allez, à tout bientôt sur Radio Gemozos, bien sûr. Get down. Il y a 7 heures, Rikushutara, il y